On va parler d'hockey mineur à Robertval avec Hugo Mathès. C'est la chronique, en fait, avec Hugo. Salut, Hugo. Salut. Hugo, c'était la ronde novice. On n'a pas été capable de s'en parler la semaine passée. C'était la ronde novice et ça a été un grand succès. Oui, ça a été vraiment un grand succès durant toute la fin de semaine. Je pense qu'on a été capable de livrer la marchandise, puis bien livrer la marchandise là, dans les deux arénas. Autant là à Mastoyache qu'à Robertval la semaine dernière. On parle là, de 28 équipes qui se sont présentées dans les deux arénas, 16 dans le novice B, 12 dans le novice A. On a eu là une bonne achalandage, on a eu des belles parties, de la belle participation. Dans l'ensemble, je dirais même quasiment entièrement autant les parents que les entraîneurs que les gérants ont été très satisfaits là, du service qui leur a été offert là, durant cette ronde novice là de 4 jours. Donc on est parti là-dessus sur cette aire d'aller là, puis on a commencé là, hier là, la deuxième partie là, de notre tournoi avec la catégorie Atome. OK. Donc on parle d'une augmentation de combien? T'as pas de chiffres, hein? J'ai pas nécessairement de chiffres comme tel. C'est sûr que l'année passée, à la base, on n'avait pas déjà, on n'avait pas 28 équipes dans la catégorie novice B, novice A. On était à 24. Okay. Ou 24, ça fait que là, c'est sûr que ça fait augmenter les données par rapport à ça. Mm. Mais on peut peut-être parler là, de 200-250 personnes de plus au guichet cette année que l'année passée pour la même période. OK. Hugo, là, c'est la portion Atome qui débute, je pense. C'est demain, c'est ça? Non, on a commencé hier soir. OK. On avait là, 3 parties hier soir, là, 2 dans l'Atome B, puis on avait une partie dans l'Atome 2B hier soir. Okay. Donc, étant donné, là, c'est le même phénomène, on a 26 équipes Atome, 7 dans l'Atome 2B, 7 dans le Piwi, dans l'Atome A, puis 12 dans l'Atome 2B. Okay. Fait qu'on n'avait pas le choix, là, on n'a pas le choix de commencer mercredi, puis la même affaire, vendredi et samedi, ben, on est obligé de jouer autant des parties à Robertval que des parties là, au centre sportif de Mastoyache, parce qu'on n'est pas capable là, de fournir à la demande. Mais on a un beau partenariat avec Mastoyache, puis les équipements, okay, puis qui nous sont prêtés, là, c'est vraiment bien. Donc, on peut pas là, dire que c'est on est aussi bien, sinon mieux, là, à Mastoyache qu'à Robertval. Ça fait que ça fait en sorte là, qu'on est capable d'avoir un très beau tournoi. As-tu une idée de combien les résultats d'hier? As-tu une idée que tu peux me donner? Oui. Hier, dans la première partie, dans la tombée, les Loups de Dolbeau Mistassini ont gagné 2-0 contre les Sabres 2 de Robertval. OK. Après ça, dans une autre partie d'Atome B, les Sabres 1 de Robertval ont vaincu les Janois d'Alma 4-2 dans l'Atome B. Puis dans la dernière partie, dans l'Atome 2B, le Royal de Métabetchouan a gagné 5-0 contre les Rapides du Lac-Saint-Jean-Maur. OK. Donc, ça se poursuit ce soir? Ça se poursuit ce soir avec 2 parties dans l'Atome A. Okay. Et une partie là, dans l'Atome 2B entre les Sabres de Robertval et les Marquis de Jonquière. OK. Donc, autre chose à ajouter peut-être à ta carrière? Si les gens veulent venir, c'est 5$ à l'entrée. Puis ouais. Si les gens veulent un passeport, ben c'est 13$ pour le passeport. C'est 18 ans, en bas de 18 ans, ben nous autres, c'est tout le monde gratuit. Puis je pense qu'en fin de semaine, là, avec là, la nouvelle... Le retour, je dirais pas la nouvelle, ce serait plus honnête de dire le retour de l'Atome 2B. Donc on pense là avec 2 équipes de Montréal également qui sont là en fin de semaine, okay, pour dans cette catégorie-là. On a une équipe de Repentigny puis la Chenet qui sont là. Je pense que ça va donner du calibre de jeu intéressant. Donc si les jeunes veulent venir nous encourager puis venir faire un tour, ça va être un beau spectacle là, au centre sportif Benoît Lévesque. Ben merci beaucoup, on s'en reparle bientôt. Excellent. La chronique Jacques Mineur avec Hugo Mathès.